Exercice 3. Bonjour madame, je m'appelle Benoît Leblanc. Je voudrais parler avec monsieur Sillard, s'il vous plaît. C'est à quel sujet ? Je lui ai envoyé un courrier de candidature spontanée avec mon curriculum vitae et j'aimerais avoir un rendez-vous avec lui pour me présenter et discuter de l'éventualité d'un stage dans son service. Je suis recommandé par monsieur Margenot, le directeur de mon école de commerce. C'est un peu difficile en ce moment. Monsieur Sillard est très occupé. Est-ce que je pourrais rencontrer un de ses adjoints ? Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi un numéro de téléphone où vous joindre.